Merci d'écouter nos programmes. Très belle journée. Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Aujourd'hui, Israël prend une nouvelle direction. Cette semaine, la fin du rêve sioniste. Nous croyons que chaque citoyen d'Israël, profil et revers de Bibi, pourquoi criez-vous après la presse? Après tout, non. En compagnie de Jean-Pierre Filiu. En suivant Netanyahou, on comprend ce qu'Israël est devenu aujourd'hui et éventuellement ce qu'Israël pourrait être sans Netanyahou, tant sa personnalité a influencé au cours des dernières années l'État d'Israël et le mouvement sioniste en général. Ensemble avec Jean-Pierre Filiu pour évoquer son dernier ouvrage « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». On va aujourd'hui emprunter un titre à Bertolt Brecht, tout au moins le début, en parlant d'irrésistible ascension. Netanyahou, nous l'avons dit, et Jean-Pierre Filiu nous l'a rappelé, c'est une fratrie dont les deux frères aînés, Jonathan, le plus aîné de tous, suivi de peu par Benjamin, est très tôt engagé dans l'action et dans le maniement des explosifs. Il y a eu également, nous a rappelé Jean-Pierre Filiu, je vous renvoie aux épisodes précédents, un avant et un après Jonathan, autour de l'opération qui a mené la libération d'otages sur Entebbe, en Ouganda, l'Ouganda de Idi Amin Dada. Mais nous allons maintenant nous intéresser à l'irrésistible ascension de Benjamin Netanyahou. Comment arriver à raconter ce sur quoi vous vous êtes considérablement appuyé, Jean-Pierre Filiu, cette progression qui n'était pas écrite d'avance au sein du Likoud, avant qu'on arrive au faucon tonitruant? Par quel chemin celui-ci va-t-il passer? D'abord, se destine-t-il initialement à la politique? J'ose avancer que non, mais vous fournirez quand même évidemment plus d'arguments. Et puis, comment la politique va-t-elle venir à lui? Comment, d'une certaine manière, va-t-il s'y reconnaître comme étant dans une sorte de biotope naturel? D'abord, il y a une ambition qui est très forte, que certains ont pu d'ailleurs trouver démesurée chez le jeune Netanyahou. Il affirme catégoriquement que son destin sera brillant, même si au début, c'est plutôt dans les affaires américaines qu'il se voit justement briller. Donc cette approche managériale, il faut jamais l'oublier. Elle va être une véritable révolution en Israël, dans ce monde d'apparatchik, de machines politiques, où l'étatisme est très prégnant. Lui va introduire justement ces méthodes américaines. Et puis, il y a non seulement la carrière diplomatique, parce que il va être promu de manière météorique à des postes que des diplomates de carrière n'atteignent qu'enfin, justement, de carrière. Donc, Washington comme numéro 2, donc souvent chargé d'affaires, ce qui veut dire qu'il va traiter directement avec le secrétaire d'État, les conseillers à la Maison-Blanche, et ensuite la représentation permanente d'Israël aux Nations Unies. Et là, il y a un aspect très important, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il a tellement de bagout, il a tellement de facondes, il crève tellement l'écran. C'est déjà une telle star des plateaux télévisés, c'est le début des chaînes d'information en continu autour de CNN à Atlanta, qu'il va être très sollicité pour des tournées de levée de fonds. Des tournées de levée de fonds, il est souvent le keynote speaker, donc le principal orateur de toutes ces fondations communautaires d'un bout à l'autre des États-Unis. Et quand il rentre en Israël, il s'engage résolument dans le Likoud, il a un parrain, c'est Moshe Arends, qui avait été son ambassadeur à Washington et qui va pousser comme vice-ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Itzhak Shamir. Et là, c'est toujours, comme dans tous les processus historiques, il y a l'anecdote, il y a l'occasion. Ce qui est certain, c'est que Netanyahou est prêt, qu'il a les ressources médiatiques pour s'imposer. Et donc pendant la conférence de paix de Madrid, donc en 1991, il va être celui qui défend la thèse israélienne d'un pays entouré par des États arabes qui veulent sa destruction et au fond d'une paix impossible face à des terroristes tout à fait irréformables. Et puis quelques mois plus tôt, pendant que des missiles irakiens s'abattaient sur Israël, il va intervenir avec un masque à gaz en direct sur le plateau de CNN, tout en poursuivant l'interview et en disant ben, « ceci est la démonstration de la menace existentielle que les Arabes font peser sur nous ». Donc ces coups médiatiques vont beaucoup servir son image. Et donc il va être intégré à l'état-major du Likoud, il va être élu député, il va ensuite ambitionner la direction du parti qui est en pleine débâcle après la victoire des travaillistes en 1992. Donc effectivement, une suite d'événements conjoncturels, mais qui n'auraient jamais pu porter leurs fruits si l'ambition de Netanyahou n'avait pas été aussi chevillée au corps, et surtout s'il ne portait pas une autre façon de faire la politique en Israël, car quand il prend la tête du Likoud, celui-ci est en faillite. Il va le remonter grâce au soutien financier des États-Unis. Il va donc ainsi instaurer une relation très forte, financière, entre la droite dure américaine et la droite dure en Israël. Ça, c'est un processus inédit. Être original peut comporter bien des avantages, mais également quelques désagréments, et ce peut-être également au sein de ses plus proches. Est-ce qu'à l'intérieur du Likoud, la façon de faire de Netanyahou est peu appréciée, sachant en plus de ça qu'on pointe souvent son illégitimité du fait qu'il a passé qu'un temps extrêmement récent en Israël et la plupart de son temps précédent aux États-Unis? Mais il va retourner ses critiques contre ses opposants. C'est d'ailleurs sa tactique permanente. Hein. Se présenter d'abord comme une victime d'un complot qui se déchaînerait contre lui pour une bonne et simple raison, c'est qu'il serait le meilleur. C'est-à-dire que du coup, les critiques deviennent une forme d'hommage du vice à la vertu. Mais surtout, il apporte à la fois de l'argent et des techniques de campagne politique qui marchent. C'est-à-dire qu'il fait la différence pas uniquement sur sa personne et sur son programme, mais aussi sur la façon de faire la politique. Il va prendre littéralement le Likoud d'assaut, mais ensuite, surtout, il va s'imposer face à Shimon Peres, donc successeur d'Itzhak Rabin assassiné quelques mois plus tôt, dans une élection en 1996 que tout le monde juge acquise aux travaillistes. Le monde entier pousse Shimon Peres. Un sommet de chefs d'État et de gouvernement faiseurs de la paix se tient dans le Sinaï égyptien pour l'encourager. Netanyahou paraît complètement seul, complètement isolé sur une ligne qui est très négative, mais il a pour lui d'abord l'argent. J'y reviens toujours. Il investit beaucoup dans des clips de campagne qui sont très binaires et parfois, il faut le dire, mensongers. Par exemple, il accuse Shimon Peres de vouloir diviser Jérusalem, qui est unifiée sous autorité travailliste dès 1967, alors que jamais la question de Jérusalem n'a été abordée à ce stade entre Israéliens et Palestiniens. Et puis surtout, il se bat. Il se bat jusqu'au dernier moment. Il ne lâche jamais rien. Et il faut savoir que dans la nuit du scrutin, Peres est donné gagnant, sa victoire est célébrée à son QG de campagne, Netanyahou s'accroche, et au petit jour, c'est lui qui est élu Premier ministre avec 30 000 voix d'avance. Ce sont quelques virgules dans l'électorat israélien, mais ça suffit pour qu'il non seulement accède comme plus jeune Premier ministre de l'histoire d'Israël au pouvoir en 1996, mais aussi, et c'est peut-être autant important, comme premier chef du gouvernement né dans l'État d'Israël. Donc après la Deuxième Guerre mondiale et la catastrophe de la Shoah. Vous qui avez travaillé, Jean-Pierre Filiu, sur cette figure qu'est Benjamin Netanyahou pendant quelque temps. Évidemment, vous êtes obligé d'aller fouiller, d'aller voir, d'aller lire, et quand bien même on est loin du personnage sur lequel on travaille, inévitablement, on s'en approche quelque peu. Ce qu'il y a d'assez flagrant dans tout ce que vous nous décrivez, et notamment cette élection-là, c'est qu'on a l'impression que Netanyahou est un peu en avance sur tout le monde. La morgue d'une gauche un peu sûre d'elle-même, cette dénonciation des médias forcément complices d'un pouvoir forcément à gauche, autant de refrains que l'on entend désormais un peu partout, mais aujourd'hui, en 2018-2019, eh bien ces refrains-là, déjà, Benjamin les entonnait avec sa propre écriture. Le groupe de musiciens avec lequel il jouait était pas très nombreux, il était un peu tout seul, il tenait la partition, on ose dire bravement, solidement, mais en tout cas il ne déviait pas de sa route. Ça, j'imagine que ça a dû quelque peu vous interpeller. Ah oui, effectivement, pour un historien, c'est très frappant, c'est rare d'avoir des parcours personnels aussi cohérents dans la durée. Cohérent à la fois dans l'idéologie et dans la pratique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai tenté ce livre, c'est que le parcours de Netanyahou est réellement un morceau constitutif de l'histoire d'Israël. Ce n'est pas qu'une biographie politique. C'est-à-dire qu'en suivant Netanyahou, on comprend ce qu'Israël est devenu aujourd'hui, et éventuellement ce qu'Israël pourrait être sans Netanyahou, tant sa personnalité a imprégné, influencé au cours des dernières années l'État d'Israël et le mouvement sioniste en général. כנגד כל הסיכויים, השגנו ניצחון גדול לליכוד. La particularité de Benjamin Netanyahou, c'est qu'il semble que rien ne lui fasse peur, aussi bien quand il doit affronter des cadors dans son propre camp, que quand sur le ring se dressent également des généraux fort gradés et qui sont capables de le renvoyer dans les cordes. Il va avoir, vous indiquez dans votre ouvrage, Jean-Pierre Filiu, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste, d'un côté un Rabin et de l'autre un Sharon. Netanyahou, même s'il boxe dans la catégorie Paul Walter, il n'a pas peur, il peut affronter ces deux monstres. Alors, comment ces deux monstres, au sens bien sûr non négatif du terme, comment s'y prend-il avec l'un, comment s'y prend-il avec l'autre? Est-ce qu'il a exactement au fond les mêmes techniques, ou bien est-ce qu'il sait s'adapter à l'adversaire et, comme vous le disiez avant, utiliser la force de l'autre pour s'en servir à son propre profit? Oui, effectivement, dans mon livre, je mets en lumière le bras de fer très dur qu'il a eu avec Sharon, alors qu'on connaît relativement bien son opposition à Rabin sur le processus de paix. Donc dans les deux cas, des généraux couverts de gloire, lui, bon, certes 5 ans dans les forces spéciales, mais enfin rien qui puisse se comparer à leurs états de service, et pourtant il va les défier, il va leur tenir tête en prétendant que lui pourrait défendre la sécurité d'Israël mieux qu'eux. Alors, effectivement, il y a un aplomb. Alors, il y a l'effet de génération qu'on oublie souvent, qui est important. Donc, il est né en 1949, il est de la génération qui les suit, il peut se poser en homme du renouveau. Et puis, d'une certaine façon, il y a le rapport à la Terre. Alors, ça peut sembler paradoxal, mais Netanyahou a un rapport assez abstrait à la terre d'Israël. C'est un concept, d'ailleurs, c'est pas innocent qu'aujourd'hui il cultive l'idée de la Startup Nation, de Silicon Wadi en Israël, donc d'un Israël un peu dématérialisé, alors que pour Rabin, c'était une terre pour laquelle on avait versé le sang, qu'on avait défendu. Et pour Sharon avait un ranch, c'était littéralement un homme de la terre qui pouvait pendant des heures parler de ce qu'il faisait pousser, des animaux qu'il élevait dans sa propriété. Donc il y a cette une approche assez idéologique. Et là on retrouve aussi Benzion Netanyahou, le père, hein, l'historien, avec des concepts très forts, mais au fond assez vidé de réalité humaine. Mais face à cela, il va justement leur opposer un côté implacable, c'est-à-dire que, en politique, tous les coups sont permis, tous les retournements d'alliance, toutes les diffamations, et c'est vrai que cette brutalité, elle va surprendre aussi bien Rabin que Sharon, qui étaient habitués à une forme de code d'honneur. Il y avait des choses qu'on ne faisait pas en Israël. Rassembler des partisans hurlants pour faire taire l'adversaire au sens propre, interdire au premier ministre Rabin de parler à la Knesset parce que il ne peut pas s'exprimer sous les huées des partisans de Netanyahou, c'était du jamais vu. Et puis évidemment, il y a ce meeting tristement historique, un mois avant l'assassinat de Rabin, où Netanyahou, au cœur de Jérusalem, va chauffer à blanc un public qui hurle « Mort à Rabin, Rabin traître », qui agite des caricatures de Rabin en SS ou porteur d'un kéfier palestinien. Alors effectivement, Netanyahou, lui, n'a jamais prononcé de telles horreurs, mais il les a au moins couverts de sa présence et crédités de sa direction. Par rapport à Sharon, il y a une espèce de jeu de pouvoir qui va se poursuivre. Sharon étant ministre du Premier ministre Netanyahou étant ministre du Premier ministre Sharon, et qui va se conclure en deux temps. Sharon réussit à recomposer la scène politique israélienne au centre, Kadima, avec le parti Kadima, qui amalgame une fraction du Likoud et une fraction des travaillistes. Mais il sombre juste après dans le coma, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps d'incarner cette recomposition. Et en 2009, le retour de Netanyahou au pouvoir avec une coalition de droite et d'extrême droite va signifier la fin de cette recomposition au centre que voulait Sharon et le début d'une dérive qui se poursuit à ce jour. On verra lors des prochaines élections, toujours plus vers la droite dure. Donc dans les deux cas, si on peut dire, Netanyahou remporte une victoire posthume, d'abord sur Rabin en battant Peres en 1996, en devenant pour la première fois Premier ministre, ensuite contre Sharon, en revenant aux affaires en 2009, alors que celui-ci est depuis 3 ans dans le coma. Benjamin Netanyahou est un homme qui aime les coups, souvent gagnants. C'est un homme autour duquel le terme « affaire » tourne souvent. Il en est une que vous mentionnez dans votre ouvrage « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du révisionniste », Jean-Pierre Filu, ouvrage paru aux éditions La Découverte, c'est l'affaire Méchal. L'affaire Méchal est peut-être ce qui permet de voir dès le début de son mandat la façon dont Netanyahou envisage le processus des relations post-Oslo. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous reposer cette affaire dans les esprits, ou la faire découvrir à ceux qui ne la connaîtraient pas, et à partir de celle-là, tirer le fil pour voir un peu le Netanyahou en pratique politique? Donc, Khaled Meshal est, en 1997, quand Netanyahou est Premier ministre, le chef du bureau politique du Hamas, donc le mouvement islamiste qui a été fondé une décennie plus tôt, dont il assure de fait la direction extérieure. Donc, il va y avoir une série d'attentats suicides en Israël, et Netanyahou va vouloir se venger en frappant le mouvement Hamas à la tête. Bon, les dirigeants du Hamas étant emprisonnés en Israël, il se tourne vers l'extérieur et décide d'aller faire assassiner Meshal en Jordanie où il réside. Alors, deux problèmes majeurs. La Jordanie est liée par un traité de paix avec Israël depuis 1994. Meshal est un citoyen jordanien, donc il est évident que ce tel projet ne peut que provoquer une crise majeure avec la Jordanie. Et ensuite, il faut essayer de couvrir la responsabilité du Mossad dans ce crime d'État. Donc on va choisir l'option un peu abracadabrantesque d'un poison à effet lent. Bon, l'opération est concocté par Netanyahou et quelques personnes. Peut-être que s'il avait consulté, il aurait été mieux conseillé. Mais en même temps, on voit bien que l'affaire était trop sensible pour qu'il élargisse le champ des consultations. Meshal, effectivement, se voit injecter par des agents du Mossad un poison à effet lent dans les rues d'Amman. Mais les deux exécutants sont immédiatement arrêtés par les services jordaniens, qui sont très efficaces, qui repèrent quatre autres agents du Mossad qui vont se réfugier dans l'ambassade d'Israël. L'ambassade d'Israël est encerclée par l'armée jordanienne sous la direction du fils Abdallah, l'actuel roi de Jordanie. C'est son père, le roi Hussein, qui dirige la Jordanie, qui est absolument furieux et qui appelle le président Clinton en le menaçant de déchirer le traité de paix avec Israël au cours d'une allocution télévisée si l'antidote n'est pas fourni dans les meilleurs délais pour sauver Meshal, assassiné, enfin qu'on a tenté d'assassiner sur son sol. Netanyahou nie effrontément quand Clinton l'appelle. Clinton rappelle le roi Hussein qui dit « Ah bon, bah maintenant, non seulement c'est l'antidote que je veux, mais c'est 50 prisonniers palestiniens, dont le fondateur du Hamas, le cheikh Yassine. » Et donc, Netanyahou va être humilié par Clinton, humilié par le roi Hussein qui refuse de le recevoir lorsque finalement il a concédé tout ce qui lui était exigé. Et Meshal va être sauvé. Le cheikh Yassine va être libéré, ce qui, ne l'oublions pas, est une très mauvaise nouvelle pour Yasser Arafat et pour le processus de paix, parce que le retour triomphal de Yassine à Gaza et le retour d'entre les morts, littéralement, de Meshal, va donner au mouvement Hamas une dimension épique qui va faire de l'OLP une petite boutique de fonctionnaires négociant avec Israël. Et donc, Netanyahou, par cette opération lamentablement échouée, va, d'une certaine façon, donner vraiment un boost au terrorisme palestinien qui était inespéré. C'est assez rare qu'une opération contre-terroriste soit aussi radicalement contre-productive que celle-là. Ce qu'il faut reconnaître en tout cas, et vous nous l'énoncez, Jean-Pierre Filiu, dans votre ouvrage « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du révisionniste », et nous en avons également l'illustration, nous en parlerons demain dans le documentaire « King Bibi », c'est que un homme averti en vaut deux, ça vaut même pas, l'adage ne vaut même pas pour Benjamin Netanyahou, parce que non seulement averti, non seulement capable de mordre la poussière, celui-ci, Netanyahou, a une faculté de rebond absolument incroyable. On va peut-être revenir pour cette histoire de cohérence, de piste suivie sur les racines que vous nous évoquiez en début de semaine, je veux dire par là la racine profonde Jabotinsky. Est-ce que vous estimeriez que c'est parce que il est intangiblement accroché à ce registre, à ce credo, que contre vents et marées, en étant tout seul, en mordant la poussière, en se vautrant comme dans cette opération Meshal, malgré tout, Netanyahou est l'homme politique qui a le parcours aujourd'hui avec la plus grande longévité de toute l'histoire d'Israël, dépassant même, je crois, de peu Ben Gourion, ou en tout cas... Tout à fait, il le dépasse désormais. Alors, il y a effectivement l'armature idéologique qu'il structure. Alors le paradoxe, c'est que les adversaires nombreux de Netanyahou en Israël et ailleurs ont pu reprocher à mon livre d'être trop indulgent parce qu'il le crédite d'une vision politique, alors qu'eux considèrent que c'est un horrible manipulateur, un affreux cynique, sans aucun principe. Je ne le crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, il a une vision. Sa vision est profondément pessimiste. C'est une vision d'une forme de conflit éternel où seul le rapport de force peut prédominer, et d'une certaine façon, le Netanyahou d'aujourd'hui, qui est aux affaires, donc en Premier ministre depuis 10 ans, a beaucoup profité des erreurs et des leçons de son premier passage à la tête du gouvernement de 96 à 99, notamment le fiasco Méchal. Et on voit que depuis, il a été d'une grande prudence par rapport au terrorisme concret qu'il ne cesse de dénoncer sur les estrades, mais contre lesquels il n'a pas mené d'opération aussi spectaculaire qu'on aurait pu l'attendre. Et puis, il apprend de ses erreurs sur tous les autres plans, mais avec aussi toujours l'idée qu'il ne faut pas baisser la garde. Et s'il a un principe qui le guide, c'est le refus de l'autocritique. Ne jamais avouer qu'il s'est trompé. Ne jamais reconnaître publiquement ses erreurs, même s'il en tire les leçons, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça, c'est une très grande force. Parce que il y a cet aplomb, et qui finit par se communiquer à sa base, qui lui renvoie en retour effectivement de quoi continuer à tenir. Et la meilleure nouvelle, évidemment, pour Netanyahou de toutes ces dernières années, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'il arrive ainsi à introduire une relation directe d'empathie entre ses supporters additionnels, ses followers, ses likes, qui vont le soutenir en retour. Et aujourd'hui, il est certain qu'il est de très loin le politicien israélien qui maîtrise le mieux ces techniques. Jean-Pierre Filion, on se retrouve demain pour le dernier volet. Il sera question de l'actualité politique en Israël. On reviendra avec vous et on mentionnera de nouveau votre ouvrage, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste. Et puis nous parlerons également de ce documentaire à voir dimanche soir sur RTS2 que nous vous recommandons vivement de ne pas louper, King Bibi. À demain. Vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté.